بسم الله الرحمن الرحيم سندخل اليوم في الدرس السبعين 70e leçon dans les choses qui touchent le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم قال في السؤال 29 بعد 400 429e question من أين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أين d'où le prophète صلى الله عليه وسلم a-t-il émigré et vers où s'est-il rendu قال من مكة إلى المدينة de Mecca à Medina, comme cela est connu. Mecca, c'est là où il a résidé, et Medina, c'est là où il s'est installé par la suite. Quand il a fait Su'el, El Wahid wa Salasim bat Arba'amiya, 431e question. Kam el Hijrat allati hajaraha sahaba? Combien est-ce que les Sahaba ont-ils fait de Hijra? Il y en a eu trois. Une en Al-Habasha, une deuxième en Al-Habasha, qui est l'Abyssinie, ce qu'on appelle l'Éthiopie aujourd'hui, et troisième à de Mecca à Medina. Donc celle vers Al-Habasha, elle est connue. D'accord ? Elle est connue lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a autorisé de partir à cause de ce qu'ils subissaient comme supplice de la part des gens de Quraysh. Et les ulama expliquent qu'une fois qu'ils étaient à Al-Habasha, une fausse rumeur s'est propagée leur disant que les gens de Mecca s'étaient soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et étaient rentrés en Islam. Donc eux, ils y ont cru. Donc là, ils sont retournés à Mecca, contents de trouver leur famille, leurs proches, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, et de retrouver leur demeure. Et une fois arrivés sur place, ils se sont rendus compte que cela n'était qu'un mensonge. Et de là, ils ont été encore plus offensés de la part des mouchriquins. Ils leur ont fait encore plus de mal. Donc là, ils sont repartis en Habasha, et il a été dit qu'ils étaient encore plus nombreux, deux fois plus nombreux que la première fois. Naam. Et quant à la Hijra qui est le Medina, elle est connue. D'accord ? Elle est connue. Car celle-ci est la hijra qui est celle qui est prise en considération par rapport au ta'lir calendrier et par rapport à l'établissement de la da'wa de l'État islamique. D'accord ? Donc la vraie hijra, on va dire, qui est elle au côté shan'an, qui est valable pour nous à notre époque, est celle d'un pays de mécréance vers un pays d'islam. De faire la hijra vers un pays de mécréance, ça ne s'appelle pas une hijra, ça. Ça s'appelle pas une hijra, ça s'appelle fuir avec sa religion pour trouver un endroit qui est moins nuisible, cela est permis, mais la hijra, celle qui efface les péchés, celle qui est considérée comme étant la grande adoration et celle qu'a faite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celle d'un pays de mécréance dans un pays d'islam. D'accord ? Et la hijra qu'ils ont fait au début, vers Al-Habasha, c'est parce qu'il n'y avait pas de terre d'islam à l'époque. Donc ils ont été là parce qu'il y avait le mieux pour eux. Mais aujourd'hui, les pays d'islam sont présents. Mais fadlallah subhanahu wa ta'ala. ثم قال في السؤال الثاني وثلاثين بعد أربعمية 432e question من هو ملك الحبشة الذي آوى الصحابة ودافع عنهم donc il dit qui est le roi de l'Habasha, celui qui a accueilli les Sahaba, qui les a défendus. Car des gens de Quraysh, ils ont poursuivi pour essayer de les ramener. Et alhamdoulilah, Allah a déjoué leur plan et le roi de l'Habasha les a rejetés. Il n'a pas écouté leurs paroles. Donc il s'appelle El-Najashi. Qu'ils disent en français le Négus. Le Négus n'est pas un prénom, c'est un titre. C'est un titre que l'on donne au roi. Donc, par exemple, d'accord ? Par exemple, Pharaon, ce qu'ils appellent Pharaon, c'est un titre et non pas un prénom. Ce qu'on appelle les Césars, le César, c'est un titre et non pas un prénom. C'était le titre, comme un empereur ou autre que cela. Donc Najashi, le Négus, c'est le nom du roi de Habasha. Et son prénom, c'est Ashama. Son vrai prénom, c'est Ashama. Donc l'histoire pareille, elle est connue. ثم قال في السؤال الثالث وثلاثين بعد أربعمية 433e question. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات النجاشي؟ Il a dit qu'a fait le prophète صلى الله عليه وسلم lorsque النجاشي, le Négus, il est mort. Car il faut savoir que le Négus, النجاشي, s'est soumis à Allah, c'était un chrétien à la base. Après, il a accueilli les sahaba lui ont fait da'wah. Il acceptait l'islam, mais ne le montrait pas car autour de lui il n'y avait que des chrétiens et cela lui aurait peut-être coûté la vie. Donc il a caché son islam. Et c'est une chose qui est permis pour celui qui est khaif, qui a peur de cacher son islam. Donc cela n'amène pas, bien évidemment, à tomber dans des choses graves. Et Najashi, donc, a accepté l'islam, s'est soumis à Allah Azzawajal et il est mort par la suite. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن في حديث أم سلمة أو بلتو في حديث أبي هريرة عفوا قال نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه خرج للمصلى فصف بهم وكبر أربعا. Il a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a informé les gens de la mort de Najashi. Il a dit Qad tufiya akhunakum. Il a bien dit est mort un de vos frères. Ce qui prouve que le Najashi était bien un musulman et un mu'min. Et de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est sorti, il a fait la salat sur lui. Et là, c'est le sujet de salat du ghaib, la salat de l'absent. D'accord ? C'est une salat qui se fait que pour. Il y a une divergence par rapport à cette salat-là, et la parole plus authentique, c'est que cette salat s'accomplit pour le muslim qui est mort en un lieu où la salat n'a pas été accomplie sur lui. Comme ce fut le cas de Najashi. Elle ne se fait pas pour n'importe qui et n'importe comment. Car certains ulama voient qu'elle n'était propre qu'à Najashi, ils voient qu'ils n'ont pas à la faire après lui. Et d'autres voient qu'on l'a fait pour toute personne qui est mort loin de nous. Et le rôle qui est le juste milieu, c'est celui-ci. C'est tout musulman qui est mort en un lieu où la salat n'a pas été accomplie sur lui. Si on a appris qu'il est mort et qu'il n'a pas eu de salat de janaza qui a été fait sur lui, on a le droit de la faire sur lui. Wallahu ta'ala a'lam. Thumma qala fi as-su'al ar-rabi' wa 3400, 434e question. Kam labitha sallallahu alayhi wa sallam fi Mekka ba'd al-bi'tha? Combien est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a résidé à Mekka après avoir reçu le message? Et ça, c'est 13 ans. Voilà, il est connu comme dans le hadith d'Ibn Abbas. قال فمكث بمكة 13 سنة qu'il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu à Mecca 13 ans après avoir reçu la prophétie. ثم قال في السؤال السادس وثلاثين أربعمية 430e question من هو أول من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il dit qui sont les premiers à s'être soumis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans les audios précédents, nous avons expliqué qu'en réalité, le premier parmi les hommes à avoir cru, c'est Warqat ibn Nawfal. Cependant, il n'a pas cru par un appel, il a cru parce qu'il a entendu comme information. Et là, l'auteur vise par là les gens qui ont répondu à son appel. Donc, parmi les hommes, le premier homme libre à s'être soumis, c'est Abu Bakr al-Siddiq, qui a cru automatiquement. Parmi les jeunes enfants, c'est Ali ibn Abi Talib. Parmi les femmes, c'est Khadija bint Khuwaylid. Et elle, c'est la première, on va dire dans l'absolu, à avoir cru. Et parmi les esclaves, c'est Bilal. D'accord, c'est Bilal. Ça, c'est une chose qui est connue. Et plein d'autres également ont suivi, également se sont convertis. Mais ceux-là sont les premiers. ثم قال في السؤال السابع وثلاثين بعد أربعمية 435e question. Il est Aina Usriya bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Vers où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il fait le voyage nocturne? Et ça, c'est vers Al-Bayt al-Maqdis, qui se trouve en Palestine. Al-Bayt al-Maqdis. En Palestine, on se trouve Al-Masjid al-Aqsa, qui appartient aux musulmans et non pas aux Yahoud. Ce masjid, les musulmans n'en sont plus en droit. Car c'est le masjid qui est basé sur la taqwa, qui est parmi les trois masajids sur lesquels il est permis de faire un voyage. Et qui appartient aux croyants. والدليل قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Qui le dit سبحانه وتعالى dans le sens سبحانه celui qui a fait partir en voyage son serviteur de nuit vers le masjid Haram à Mecca vers le masjid Al-Aqsa celui qui est en Palestine cette terre sur laquelle nous avons mis la baraka autour d'elle ou autour du masjid plutôt. Al-Isra verset 1. Et en réalité, ce voyage a eu lieu de par son corps et éveillé. Parce que des gens disent que c'était un rêve. Si ça avait été un rêve, les gens de Quraysh n'auraient pas besoin de le démentir. Car on ne dément pas un rêve. Quand quelqu'un rêve, on ne dit pas tu es un menteur. Donc ce qui prouve qu'il est bien parti en étant réveillé, non pas un rêve. Et le fait que Allah Azawajal dit son serviteur, il s'agit de là de son corps et de son âme ensemble. Et non pas que de son âme. Thumma qala fi as-su'al ath-thamin wa thalathin ba'd al-400, 438e question. Il a Aina Warajabi. Et vers où a eu lieu ce qu'on appelle l'ascension. Et l'ascension, bien évidemment, en français, c'est un sens qui est clair, qui va du bas vers le haut, c'est-à-dire vers le ciel. D'accord ? Il est élevé aux cieux. Et de là, il y a rencontré des NBA, dont Ibrahim, dont Moussa, dont Youssouf, dont Haroun, Idriss, Adam, alayhi salam, et Yahya et Isa. Et c'est de là que les 50 salawats qui étaient prévus à la base ont été minimisés à 5. À la base, on devait faire 50 salawats. Et Allah Azzawajal, à chaque fois que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam redescendait, Moussa lui disait combien de salawats devez-vous faire. Il dit 50. Il dit ta communauté ne supportera pas cela. Retourne auprès de ton Seigneur afin qu'il réduise le nombre. Et cela a eu lieu plusieurs fois, c'est ce qu'il soit arrivé à 5. Même à 5, Moussa disait encore, cela est trop dur pour vous. Il a dit, je suis gêné de demander à mon Seigneur. Et Allah Azzawajal, il a bien dit, qala fa inni ujdi al hasana bi asharati amthaliha, que la bonne action, c'est-à-dire la salat, est récompensée par 10. Donc une salat en vaut 10. Ce qui fait, comme on en a 5, 5 fois 10, ça revient à 50. ثم قال في السؤال التاسع وثلاثين بعد أربعمائة 439e question. ما هي الدابة التي أسري به عليها؟ Quel est cet animal sur lequel le Prophète a fait ce voyage nocturne? Il s'agit de, elle s'appelle Al-Buraq, comme dans le hadith de Anas. Lorsque Jibril est venu et a fondu la poitrine du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a lavé avec de l'eau de Zamzam et l'a rempli de sagesse et de iman. Après, il a dit quoi? Wa utitu bi dabbatin abyad dun al-barl fouq al-himar al-Buraq. Il a dit, après, on m'a apporté une bête blanche, moins grande que le mulet et plus grande que l'âne, sur laquelle il a voyagé avec Jibril alayhi salat wa salam. هذا الذي أخذنا اليوم وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك